17h35, Christine, la présidente de la radio, qui va prendre la parole dans quelques minutes là pour nous parler justement de la fête des Saints Populaires. C'est le 29 et 30 juin, la semaine prochaine. Là, ça va être samedi et dimanche au parc de Nérol. On vous en parle dans quelques minutes sur Radio Arc-en-Ciel. Ils étaient sur la scène, c'était l'année dernière, Michael, Steven, et là il était avec Caméléon et ils ont mis le feu. Belle fin d'après-midi, 17h35. Voici Michael, Steven sur Radio Arc-en-Ciel. Adoro quando me olhas, dizes vem dançar. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Adoro cuando me miras, sentirte bailar. Adoro cuando me tocas, dulce acariciar. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo yo. Contigo quiero ficar, sentir tu cuerpo no mío. Contigo quiero vibrar, por eso ve que soy tuyo. Oi, oi, oi, j'ai envie de dire. Ouais, ils avaient mis le feu sur scène là, l'année dernière. C'est l'année dernière, Christine, ils étaient là. Hein. Tout à fait. Ah, ils avaient mis le feu, les deux gamins là. Les deux frangins, en plus des beaux gosses, les filles, ils étaient tous après lui. Nous, on n'avait plus rien à voir. Ah, c'est dommage. Bon, cette année, on change la tendance. Eh ben, on en parle. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Le 29 et le 30 juin, je parle comme les Belges, moi, c'est la fête des Saints Populaires, la grosse fête de la radio, hein, et puis aussi au Portugal. On peut expliquer un petit peu ce que c'est que cette fête pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, les Portugais, ils connaissent tous, mais nos amis français qui écoutent ou d'autres personnes qui ne connaissent pas la fête des Saints Populaires. Et rapide, oui. Hein, on fait pas l'histoire entière. Non, hein, non, je vais te la faire courte. À minuit, on est là. Hein. Donc la fête des Saints Populaires, ça regroupe un petit peu tout ce qui est la Saint-Jean, la Saint-Antoine, parce que c'était la semaine dernière. Ouais. Les fêtes de Saint-Antoine, les fêtes de la Saint-Jean, toutes les fêtes d'été, on va dire. Ah, d'accord. Et au départ, lorsque Radio Arc-en-Ciel a commencé effectivement à faire cette fête, c'était la Saint-Jean. Ouais. Beaucoup de gens l'appellent encore aujourd'hui la Saint-Jean. La Saint-Jean. Mmh. Mais effectivement, ça ne plaisait pas à certaines personnes car ça ne tombait pas le jour de la Saint-Jean. Ouais. Mais comme nous, on est tributaires du parc de Lignerolles, et un grand merci tout de suite à Madame le maire. Et ouais, j'embrasse Marie-Agnès, Madame le maire, Marie-Agnès Linguet et sa municipalité, parce que lorsqu'on a commencé avec le parc de Lignerolles, on est un petit peu tributaire de ce qui se passe dans ce parc-là. Nous ne sommes pas les seuls hein, là-bas. Les dispo, ouais, surtout. Hein. Tout à fait. Ouais. Et on s'attend pas tout le temps autour de la Saint-Jean. C'est pour ça que ça s'appelle la fête des Saints Populaires. Donc ça regroupe tous les saints. Alors cette année, il y a une bonne nouvelle, c'est que normalement il va faire beau. Hey. Mais là, il y a un peu de flotte, hein, malheureusement. Mais là, normalement, le ciel devrait être bon. Hein, et donc, c'est ce week-end 29 et 30 juin. Tout à fait. Donc, c'est la fête des saints populaires, Saint-Jean, Saint-Antoine et Saint-Pierre. Mais nous, cette année, on n'a pas... Voilà. On n'a pas, comment, on n'a pas invité Saint-Pierre parce qu'on veut pas de flotte, donc on a laissé Saint-Pierre à la maison. On laisse à la baraque, lui. Voilà, on n'a pas sorti celui-là. Donc du monde sur scène. Du monde sur scène, donc nous aurons samedi soir Capanegra et Carlos Pires. Ouais. Le dimanche, donc Michael Ferreira, nouvelle petite voix qui arrive, assez sympa. Ah, on joue un titre de temps en temps de lui là sur la radio, je le vois. Ouais, Michael. Voilà. Fernando Martins, que tout le monde connaît. Voilà, notre ancien animateur. Ouais. Et David Garcia, qui c'est aussi un petit chouchou ici de la radio. Ouais, pas et mal. Hein. Ruth Marlène. Et elle sera avec son danseur personnalisé, voilà. Tu verras. Et puis aussi les tambours là. Les tambours seront là pour ouvrir et fermer les festivités. Donc le samedi à partir de 19h, on peut aller manger sur place. Ouais. Les spécialités portugaises et non seulement. Hein. Il y aura du poulet grillé, des rives, des sardines, des gésiers, des tapas, des frites, des sandwichs. Il y a des noms que j'arrive pas à prononcer là. C'est churrasqueira, c'est ça? Ouais. Churrasqueira. Churrasqueira. Et c'est quoi churrasqueira? C'est barbecue géant. Ah d'accord, mais je prends des choses. Je vous fais la traduction et même comme ça, hein. C'est bien. Non mais ça va être bien. En plus il y aura plein de monde. T'as vu, je t'ai mis les photos en appui quand même. Hein. Ouais, j'ai vu. Tu vois ce que c'est, hein. Ouais, je vois. C'est pas mal. Voilà, donc on aura à partir de 19h le dimanche à partir de 11h. Donc il y aura pas de soucis. Donc vous venez sur place pour vous restaurer. Il y aura tout ce qu'il faut. Alors, en boisson. Ouais, faut savoir que l'entrée c'est gratos. C'est gratuit, hein. Le parc est ouvert, hein. Voilà. Et voilà, beaucoup de gens font des fêtes payantes et nous c'est du gratuit. Ouais. C'est le cadeau qu'offre Radio Arc-en-Ciel à nos auditeurs ainsi qu'à ses adhérents. Bah, n'oubliez pas d'amener la carte bleue quand même parce qu'il faut manger. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais là, et c'est beaucoup du cours. De sous. Non mais amenez. Et puis on aura un petit jeu. Ah, un petit jeu. On aura un petit jeu. Donc on aura un panier garni. Le jeu de l'été. Voilà, on aura un panier garni auquel il va falloir deviner son poids. Ah ouais, comme à l'ancienne dans les émissions de télé. Simone Garnier, c'est Léon Zitron. Alors quel est le poids ici? Le poids exact de notre panier. Ouais. Ça c'est rigolo. Ça c'est bien. Et on gagne le panier en fait. Et on gagne le panier. Donc il n'y aura que deux personnes qui seront le prix, le poids. Pas le prix, le poids exact. Sinon ça va balancer sinon. Ouais, voilà. Hein. Nous on ne le saura pas à l'antenne, on ne pourra pas balancer des poids. Non, entre combien et combien. Tout à fait. Après il y aura des stands d'animation. Donc il y aura quelques associations qui relatent un petit peu qu'est-ce que c'était l'immigration au départ dans les années 1960 lorsque nos parents, grands-parents sont arrivés en France. Mm-hmm. Il y aura aussi donc les amis du plateau qui viennent de Champigny-sur-Marne qui dédient aussi des livres à l'immigration. Nous aurons les Hirondelles. Les Hirondelles, c'est une association qui aide à développer des actions de solidarité et d'entraide non simplement à la communauté portugaise mais à toute personne qui a besoin. Ouais. On aura donc la mandarine Rose qui va nous proposer des bijoux, des portefeuilles, des sacs, des vêtements, plein bien, de belles choses. Des beaux stands, en tout cas, on va bien se marier. Tout à fait. Ouais. Amenez la crème à bronzer, hein, parce que ça va cogner un peu. Des glaces, des barbes à papa. Ça c'est même fin, ça. Voilà. Après, des portails, des fenêtres en aluminium venues du Portugal. Go Portugal ! Cap 45 qui nous proposera ses petites voitures pour partir en vacances. Ah ouais, des bonnes bagnoles avec toute la famille du Cap 45. Ouais. Tout à fait, ils seront là. Beau de ouf, c'est une nouvelle marque qui vient d'être créée par un jeune homme orléanais qui a son petit cœur avec les ailes qui s'envolent. Sympa ça. Voilà, on aura le bar des Amigos avec les bons cocktails et les tapas. Ça on va pouvoir se mettre au bar. Moi je vais aller au bar, moi direct. Avec modération bien sûr. Petiscos. C'est les tapas, Petiscos. Ah, Petiscos, Amigos, le bar des Amigos. Non mais je dis en même temps, c'est pour ça. Qui est le bar de Radio Arc-en-Ciel. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Tout à fait, avec modération. Voilà. Nous aurons deux banques sur place. Ah. Donc le Crédito Agricola, qui est portugais, ou Crédito Agricola, AXA Bank, AXA Assurance et Banque BCP. Voilà. Ils seront sur place. Les banques sont là, amenées avec vos flingues. Voilà, nous aurons aussi la team d'Aloe Vera pour vous proposer des produits naturels. Ça c'est bien. À base d'Aloe Vera. Nous aurons notre nuit blanche. Notre jeu aussi, Radio Arc-en-Ciel propose donc de venir tout en blanc le samedi soir pour égayer un petit peu notre soirée. Et c'est juste pour donner une couleur blanche à Radio Arc-en-Ciel. Je trouve que c'est assez sympa. Sympa. Et j'ai vu, il y avait aussi pour les tout petits, là, le coin des tout petits. T'as vu un peu? Pour les gamins, ça. Une structure. Voilà. Et t'as vu que c'est à l'effigie de. Je regarde, c'est Disney, non? La Reine des Neiges. Ouais, je regardais, je vois mal, je suis un bigleux maintenant. Voilà. Ouais, le 7 pourra peut-être nous faire danser un petit peu. On a un peu de musique, ouais. Voilà. VIP sera là avec ses belles tenues. Et puis après, nous aurons tous nos sponsors qui nous aident. Et je voudrais tout simplement les remercier parce que c'est grâce au sponsoring que nous réalisons notre fête. Bah ouais. Parce que si c'était pas le sponsoring, nous aurions pas pu faire notre fête. C'est grâce à eux. Alors, générosité. Ouais. Grâce à leurs dons qu'on peut effectivement faire cette fête-là. Mais aussi grâce aux bénévoles. Attention, Superboc, je sais que l'Albudagon est pour la santé, mais ils seront là, Superboc. Ah bah tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Parce qu'une soirée sans Superboc, c'est pas une soirée. Hein. Et si c'est Superboc, c'est Flichsum, parce que c'est aussi la marque du jus d'orange. Mais comment t'as dit le nom là? Flichsum. C'est Flichsum qui sera là avec Superboc, c'est Flichsum. Tout à fait. Voilà, et donc je disais, c'est aussi grâce à nos bénévoles, ils vont avoir c'est chaud. Vrai, ouais, ils sont... Donc on va être de tout cœur avec eux et qu'ils soient c'est agréable de les voir avec nous. Ah, ils bossent. Hein. Ils bossent très dur. À chaque fois, je les vois dans les cuisines derrière là. C'est un travail de malade. Je c'est sais un pas travail comment, moi, de je malade. Je pourrais pas le faire. Quand je vois les barbecues derrière là, toute la famille qui sont oui, là. Et oui, oui. Je sais pas comment. Donc, bravo à tous les bénévoles. Bravo. Et c'est vrai que c'est grâce à un petit peu de chacun. Ouais. C'est ce que je dis souvent. C'est grâce à la qualité et à la spécificité de chacun. Ouais. Parce qu'on est cuisinier, on est graphiste, on est animateur. Mmh. Chacun apporte son savoir et c'est grâce au savoir de chacun de nous qu'on peut réaliser une telle fête. Tu en feras de la radio aussi quand même un petit peu. Ah tout à fait, le studio de radio sera présent. Donc nous avons quelques animateurs. Une piscine. On pourra pas. Ça aurait été bien. Hein. Ah, l'année prochaine, on se met dans une piscine, sans déconner. Génial. Une piscine gonflable. On pense à ça. Ouais, je vais faire des bombes et tout, on va se marrer. Donc voilà, nos animateurs seront présents et tous les animateurs sont invités à rejoindre ce stand radio. Voilà, on vous attend nombreux et nombreux. C'est le 29 et le 30 juin, donc on ne prévoyait rien. Au parc de Lignerolles. Donc au parc de Lignerolles. Pour celui qui ne sait pas où se trouve le parc de Lignerolles, c'est rue Antonin Magnier à Fleury-les-Aubrais. Voilà, vous tapez sur Map Google, vous allez voir. Il vous emmène direct à la baraque à la soirée samedi et dimanche. Voilà, on vous attend nombreux, nombreux, nombreuses. N'hésitez pas à contacter la radio pour plus d'informations. Nous sommes là, ainsi que le portable de la radio. Ouais. Et donc, venez nous voir. Voilà, merci Christine, présidente de la radio Arc-en-Ciel. Merci Francky. Bonne continuation, je sais que tu es un peu bancal en ce moment. Hein. Un peu bancal et débordé. Mais tu vois, malgré bancal, là, hein. La fête se fait. Voilà, merci à toi. Merci. Belle fin d'après-midi, 17h48. Ah, je l'ai coupé la pauvre. Sur Radio Arc-en-Ciel avec Caméléon. C'est non, non, non. Et puis Jackie qui arrive dans 10 minutes.